gêne aïe, au timis au à la pomme, yo, c'est n'est pas mon ami. Papa, oui, yongango et ibonema, yo, papa mio, oui, oui. Papa, oui, mon grand papa, c'est mon. Se odie el nobiso me pone nolo e yarango yene abana to milungi ne diele pignon kakanolo ori bomba yene me aide papa c'était toi. Papa, c'était toi, un privilège. Amanone, beni monie, odie le bignon. Amanone, beni dolo, e obo la bignon, e kakamori bombae. Sena la moloba, tondino mone biso pedi, tondino e alteio. Dolo bolino biso, di mabongo amo atewe. Aioi, tomuna mi osenie. Ki poso na na dibe na oti ti pe na bae. E tu mi na waponde, na peta ne ponen dutu. E tu mi na waponde, na peta ne na no sese. Papa, na wasi wae. Papa, na bele wae. Longo, ujana nye babese babu yengenye.